vrai que j'hésitais. Il disait qu'il fallait beaucoup prier. Les gardiens sont venus me chercher. On m'a même autorisé à fumer. On a noté mes dernières volontés. Et on est allé dans la cour carrée. Impressionnant avec sa large lame. Mon cœur a pris le rythme. Tam tam tam. Son collier de bois était d'un chat. Le prêtre voulait encore assommer mon âme, l'empêcher. Je fermais les yeux et retins une larme. Docteur Guillotin, votre fille un jour ne fera perdre la tête. Docteur Guillotin, votre fille ce matin m'a fait perdre la tête.